Chapitre 10e. Le premier dimanche d'août, on faisait l'inventaire, qui devait être terminé le soir même. Dès le matin, comme un jour de semaine, tous les employés étaient à leur poste, et la besogne avait commencé, les portes closes dans les magasins vides de clientes. Denise n'était pas descendue à 8 heures avec les autres vendeuses. Retenue depuis le jeudi dans sa chambre, par une entorse prise en montant aux ateliers, elle allait enfin beaucoup mieux. Mais comme Madame Aurélie la gâtait, elle ne se hâtait pas, achevait de se chausser avec peine, résolue cependant à se montrer au rayon. Maintenant, les chambres des demoiselles occupaient le 5e étage des bâtiments neufs, le long de la rue Monsigny. Elles étaient au nombre de 60, aux deux côtés d'un corridor, et plus confortables, toujours meublées pourtant du lit de fer, de la grande armoire et de la petite toilette de noyer. La vie intime des vendeuses y prenait des propretés et des élégances, une pause pour les savons chers et les linges fins, toute une montée naturelle vers la bourgeoisie à mesure que leur sort s'améliorait, bien qu'on entendît encore voler des gros mots et les portes battre dans le coup de vent d'hôtel garni qui les emportait matin et soir. D'ailleurs, à titre de seconde, Denise avait une des plus grandes chambres dont les deux fenêtres mansardées ouvraient sur la ruche. Riche à présent, elle se donnait du luxe, un édredon rouge recouvert d'un voile de guipure, un petit tapis devant l'armoire, deux vases de verre bleu sur la toilette où se fanaient des roses. Quand elle fut chaussée, elle essaya de marcher dans la pièce. Il lui fallut s'appuyer au meuble, car elle boitait encore, mais cela s'échaufferait. Tout de même, elle avait eu raison de refuser pour le soir une invitation à dîner de l'oncle Baudu, et de prier sa tante de faire sortir Pépé, qu'elle avait remis en pension chez Madame Gras. Jean, qui était venu la voir la veille, dînait aussi chez l'oncle. Doucement, elle continuait de s'essayer à marcher, en se promettant de se coucher de bonne heure afin de reposer sa jambe, lorsque la surveillante, Madame Cabin, frappa et lui donna une lettre d'un air de mystère. La porte refermée, Denise, étonnée du sourire discret de cette femme, ouvrit la lettre. Elle se laissa tomber sur une chaise. C'était une lettre de Mouret, où il se disait heureux de son rétablissement, et la priait de descendre le soir dîner avec lui, puisqu'elle ne pouvait sortir. Le ton de ce billet, à la fois familier et paternel, n'avait rien de blessant, mais il lui était impossible de se méprendre. Le bonheur connaissait bien la signification vraie de ses invitations, une légende courait là-dessus. Clara avait dîné, d'autres aussi, toutes celles que le patron remarquait. Après le dîner, comme disaient les commis farceurs, il y avait le dessert, et les joues blanches de la jeune fille étaient peu à peu envahies par un flot de sang. Alors, la lettre glissait entre les genoux, le cœur battant à coups profonds, Denise resta les yeux fixés sur la lumière aveuglante d'une des fenêtres. C'était un aveu qu'elle avait dû se faire dans cette chambre même aux heures d'insomnie. Si elle tremblait encore quand il passait, elle savait maintenant que ce n'était pas de crainte, et son malaise d'autrefois, son ancienne peur, ne pouvait être que l'ignorance effarée de l'amour, le trouble de ses tendresses naissantes dans sa sauvagerie d'enfant. Elle ne raisonnait pas, elle sentait seulement qu'elle l'avait toujours aimé, depuis l'heure où elle avait frémi et balbutié devant lui. Elle l'aimait lorsqu'elle le redoutait comme un maître sans pitié. Elle l'aimait lorsque son cœur éperdu rêvait de hutin, inconscient, cédant à un besoin d'affection. Peut-être se serait-elle donné un autre. Mais jamais elle n'avait aimé que cet homme dont un regard la terrifiait. Et tout le passé revivait, se déroulait dans la clarté de la fenêtre. Les sévérités des premiers temps, cette promenade si douce sous les ombrages noirs des Tuileries, enfin les désirs dont il l'effleurait depuis l'heure où elle était rentrée. La lettre glissa jusqu'à terre. Denise regardait toujours la fenêtre, dont le plein soleil l'éblouissait. Brusquement, on frappa et elle se hâta de ramasser la lettre, de la faire disparaître dans sa poche. C'était Pauline, qui, s'échappant dans son rayon sous un prétexte, venait causer un peu. « Êtes-vous remise, ma chère? On ne se rencontre plus. » Mais, comme il était défendu de remonter dans les chambres et surtout de s'y enfermer à deux, Denise l'emmena au bout du couloir, où se trouvait le salon de réunion, une galanterie du directeur pour ses demoiselles, qui pouvaient y causer ou y travailler en attendant 11 heures. La pièce, blanc et or, d'une nudité banale de salle d'hôtel, était meublée d'un piano, d'un guéridon central, de fauteuils et de canapés recouverts de housses blanches. Du reste, après quelques soirées passées entre elles, dans le premier feu de la nouveauté, les vendeuses ne s'y rencontraient plus, sans en arriver tout de suite aux mots désagréables. C'était une éducation à faire. La petite cité phalanstérienne manquait de concorde. Et en attendant, il n'y avait guère là, le soir, que la seconde des corsets, Miss Powell, qui tapait sèchement du Chopin sur le piano et dont le talent jalousé achevait de mettre en fuite les autres. « Vous voyez, mon pied va mieux, » dit Denise, « je descendais. »« Ah, bien !» cria la lingère. « En voilà du zèle. C'est moi qui resterai me dorloter si j'avais un prétexte. » Toutes deux s'étaient assises sur un canapé. L'attitude de Pauline avait changé depuis que son amie était seconde aux confections. Il entrait dans sa cordialité de bonne fille une nuance de respect, une surprise de sentir la petite vendeuse chétive d'autrefois en marche pour la fortune. Cependant, Denise l'aimait beaucoup et se confia à elle seule, au milieu du continuel galop des 200 femmes que la maison occupait maintenant. « Qu'avez-vous ? » demanda vivement Pauline, quand elle remarqua le trouble de la jeune fille. « Mais rien, » assura celle-ci avec un sourire embarrassé. « Si, si, vous avez quelque chose. Vous vous méfiez donc de moi ? Que vous ne me dites plus vos chagrins ?» Alors Denise, dans l'émotion qui gonflait sa poitrine et qui ne pouvait se calmer, s'abandonna. Elle tendit la lettre à son amie en balbutiant. « Tenez, il vient de m'écrire. » Entre elles, jamais encore elle n'avait parlé ouvertement de Mouret. Mais ce silence même était comme un aveu de leur secrète préoccupation. Pauline n'ignorait rien. Après avoir lu la lettre, elle se serra contre Denise, la prit à la taille pour lui murmurer doucement. « Ma chère, si vous voulez que je sois franche, je croyais que c'était fait. Ne vous révoltez donc pas. Je vous assure que tout le monde doit le croire comme moi. Dame, il vous a nommé seconde si vite. Puis il est toujours après vous, ça crève les yeux. » Elle lui mit un gros baiser sur la joue, puis elle l'interrogea. « Vous irez ce soir, naturellement ?» Denise la regardait sans répondre, et tout d'un coup elle éclata en sanglots, la tête appuyée sur l'épaule de son amie. Celle-ci demeura très surprise. « Voyons, calmez-vous. Il n'y a rien là-dedans qui puisse vous bouleverser ainsi. « Non, non, laissez-moi, » bégaye Denise, « si vous saviez comme j'ai du chagrin. Depuis que j'ai reçu cette lettre, je ne vis plus. Laissez-moi pleurer, cela me soulage. » Très apitoyée, sans comprendre pourtant, la lingère chercha des consolations. D'abord, il ne voyait plus Clara. On disait bien qu'il allait chez une dame au dehors, mais ce n'était pas prouvé. Puis, elle expliqua qu'on ne pouvait être jalouse d'un homme dans une pareille position. Il avait trop d'argent, il était le maître après tout. Denise l'écoutait. Si elle avait encore ignoré son amour, elle n'en aurait plus douté à la souffrance dont le nom de Clara, à l'allusion à Madame Desforges, lui tordirent le cœur. Elle entendait la voix mauvaise de Clara. Elle revoyait Madame Desforges la promener dans les magasins avec son mépris de dame riche. « Alors, vous iriez, vous ? » demanda-t-elle. Pauline, sans se consulter, cria « Sans doute, est-ce qu'on peut faire autrement ?» Puis elle réfléchit, elle ajouta « Pas maintenant, autrefois, parce que maintenant, je vais me marier avec Baugé, et ce serait mal tout de même. » En effet, Baugé, qui avait quitté depuis peu le bon marché pour le bonheur des dames, allait l'épouser, vers le milieu du mois. Bon donc, le n'aimait guère les ménages. Cependant, ils avaient l'autorisation, ils espéraient même obtenir un congé de 15 jours. « Vous voyez bien, » déclara Denise, « quand un homme vous aime, il vous épouse, Baugé vous épouse. » Pauline eut un bon rire. « Mais ma chérie, ce n'est pas la même chose. Baugé m'épouse parce que c'est Baugé, il est mon égal, ça va tout seul, tandis que M. Mouret. Est-ce que M. Mouret peut épouser ses vendeuses ?»« Oh non, non !» cria la jeune fille révoltée par l'absurdité de la question, « et c'est pourquoi il n'aurait pas dû m'écrire. » Ce raisonnement acheva d'étonner la lingère, son visage épais, aux petits yeux tendres, prenait une commisération maternelle. Puis elle se leva, ouvrit le piano, joua doucement avec un seul doigt le roi d'Agobert pour égayer la situation sans doute. Dans la nudité du salon, dont les housses blanches semblaient augmenter le vide, montaient les bruits de la rue, la mélopée lointaine d'une marchande criant des pois verts. Denise s'était renversée au fond du canapé, la tête contre le bois, secouée par une nouvelle crise de sanglots qu'elle étouffait dans son mouchoir. « Encore ?» reprit Pauline en se retournant. « Vous n'êtes vraiment pas raisonnable. » Pourquoi m'avez-vous amené ici? Nous aurions au fait de rester dans votre chambre. » Elle s'agenouilla devant elle, recommença à la sermonner. Que d'autre aurait voulu être à sa place? D'ailleurs, si la chose ne lui plaisait pas, c'était bien simple, elle n'avait qu'à dire non, sans se chagriner si fort. Mais elle réfléchirait, avant de risquer sa position par un refus que rien n'expliquait, puisqu'il n'avait pas d'engagement ailleurs. Était-ce donc si terrible? Et la semonce finissait par des plaisanteries chuchotées gaiement, lorsqu'un bruit de pas vint du corridor. Pauline courut à la porte jeter un coup d'œil. « Chut, Madame Aurélie » murmura-t-elle. « Je me sauve. Et vous, essuyez vos yeux. On n'a pas besoin de savoir. » Quand Denise fut seule, elle se mit debout, renfonça ses larmes. Et les mains tremblantes, encore, de peur d'être surprise ainsi, elle ferma le piano que son amie avait laissé ouvert. Mais elle entendit Madame Aurélie frapper à sa porte. Alors elle quitta le salon. « Comment vous êtes levée ?» cria la première. « C'est une imprudence, ma chère enfant. Je montais justement prendre de vos nouvelles et vous dire que nous n'avons pas besoin de vous en bas. » Denise lui assura qu'elle allait mieux, que cela lui ferait du bien de s'occuper, de se distraire. « Je ne me fatiguerai pas, madame. Vous m'installerez sur une chaise, je travaillerai aux écritures. » Toutes deux descendirent. Très prévenante, madame Aurélie l'obligeait à s'appuyer sur son épaule. Elle avait dû remarquer les yeux rouges de la jeune fille, car elle l'examinait à la dérobée. Sans doute, elle savait bien des choses. C'était une victoire inespérée. Denise avait enfin conquis le rayon. Après s'être jadis débattue pendant près de 10 mois, au milieu de ses tourments de souffre-douleur, sans lasser le mauvais vouloir de ses camarades, elle venait en quelques semaines de les dominer, de les voir autour d'elle, souples et respectueuses. La brusque tendresse de madame Aurélie l'avait beaucoup aidée, dans cette ingrate besogne de se concilier les cœurs. On racontait tout bas que la première était la complaisante de Mouret, qu'elle lui rendait des services délicats, et elle prenait si chaudement la jeune fille sous sa protection, qu'on devait en effet la lui recommander d'une façon spéciale. Mais celle-ci avait également travaillé de tout son charme pour désarmer ses ennemis. La tâche était d'autant plus rude qu'il lui fallait se faire pardonner sa nomination au poste de seconde. Ces demoiselles criaient à l'injustice, l'accusaient d'avoir gagné ça au dessert avec le patron, mais elles ajoutaient des détails abominables. Malgré leur révolte pourtant, le titre de seconde agissait sur elle. Denise prenait une autorité qui étonnait et pliait les plus hostiles. Bientôt elle trouva des flatteuses parmi les dernières venues. Sa douceur et sa modestie achevèrent la conquête. Marguerite se rallia, et Clara seule continua de se montrer mauvaise, risquant encore l'ancienne injure de mal peignée, qui maintenant n'égayait personne. Pendant la courte fantaisie de Mouret, elle en avait abusé pour lâcher la besogne, d'une paresse bavarde et vaniteuse. Puis, comme il s'était lassé tout de suite, elle ne récriminait même pas, incapable de jalousie dans la débandade galante de son existence, simplement satisfaite d'en tirer le bénéfice d'être tolérée à ne rien faire. Seulement, elle considérait que Denise lui avait volé la succession de Madame Frédéric. Jamais elle ne l'aurait acceptée à cause du tracas. Mais elle était vexée du manque de politesse, car elle avait les mêmes titres que l'autre et des titres antérieurs. « Tiens, voilà qu'on sort la coucher, » murmura-t-elle quand elle aperçut Madame Aurélie amenant Denise à son bras. Marguerite haussa les épaules en disant « Si vous croyez que c'est drôle. » 9 heures sonnaient. Au dehors, un ciel d'un bleu ardent chauffait les rues. Des fiacres roulaient vers les gares. Toute la population endimanchée gagnait en longue file les bois de la banlieue. Dans le magasin, inondé de soleil par les grandes baies ouvertes, le personnel enfermé venait de commencer l'inventaire. On avait retiré les boutons des portes. Des gens s'arrêtaient sur le trottoir, regardant par les glaces, étonnés de cette fermeture, lorsqu'on distinguait à l'intérieur une activité extraordinaire. C'était, d'un bout à l'autre des galeries, du haut en bas des étages, un piétinement d'employés, des bras en l'air, des paquets volant par-dessus les têtes. Et cela, au milieu d'une tempête de cris, de chiffres lancés, dont la confusion montait et se brisait en un tapage assourdissant. Chacun des 39 rayons faisait sa besogne à part, sans s'inquiéter des rayons voisins. D'ailleurs, on attaque à peine les casiers, il n'y avait encore par terre que quelques pièces d'étoffe. La machine devait s'échauffer, et l'on voulait finir le soir même. « Pourquoi descendez-vous ? » reprit Marguerite obligeamment en s'adressant à Denise. « Vous allez vous faire du mal, et nous avions le monde nécessaire. »« C'est ce que je lui ai dit, » déclara Madame Aurélie, « mais elle a voulu quand même nous aider. » Toutes ces demoiselles s'empressaient auprès de Denise. Le travail s'en trouva interrompu. On la complimentait. On écoutait avec des exclamations l'histoire de son entorse. Enfin, Madame Aurélie la fit asseoir devant une table, et il fut entendu qu'elle se contenterait d'inscrire les articles appelés. D'ailleurs, le dimanche de l'inventaire, on mettait à réquisition tous les employés capables de tenir une plume. Les inspecteurs, les caissiers, les commis aux écritures, jusqu'aux garçons de magasin. Puis, les divers rayons se partageaient ces aides d'un jour pour bâcler vivement la besogne. C'était ainsi que Denis se trouvait installé près du caissier l'homme et du garçon Joseph, l'un et l'autre penchés sur de grandes feuilles de papier. 5 manteaux, draps, garnis fourrures, 3e grandeur à 240, criait Marguerite. 4 idem, 1ère grandeur à 220. Le travail recommença. Derrière Marguerite, 3 vendeuses vidaient les armoires, classaient les articles, lui donnaient par paquets, et quand elle les avait appelés, elle les jetait sur les tables, où ils s'entassaient peu à peu en piles énormes. L'homme inscrivait. Joseph dressait une autre liste pour le contrôle. Pendant ce temps, Madame Aurélie elle-même, aidée de 3 autres vendeuses, dénombrait de son côté les vêtements de soie que Denise portait sur des feuilles. Clara était chargée de veiller au tas, de les ranger, de les échafauder, de manière à ce qu'ils tinssent le moins de place possible le long des tables. Mais elle n'était guère à sa tâche, des piles croulaient déjà. « Dites donc, » demanda-t-elle à une petite vendeuse rentrée de l'hiver, « est-ce qu'on vous augmente? Vous savez qu'on va mettre la seconde à 2 000 francs, ce qui lui fera près de 7 000 avec son intérêt ?» La petite vendeuse, sans cesser de passer des rotondes, répondit que si on ne lui donnait pas 800 francs, elle lâcherait la boîte. Les augmentations avaient lieu au lendemain de l'inventaire. C'était également l'époque où, le chiffre d'affaires réalisé pendant l'année étant connu, les chefs de rayon touchaient leurs intérêts sur l'augmentation de ce chiffre comparé au chiffre de l'année précédente. Aussi, malgré le vacarme et le tohu-bohu de la besogne, les commérages passionnés allaient-ils leur train. Entre deux articles appelés, on ne causait que d'argent. Le bruit courait que Mme Aurélie dépasserait 25 000 francs. Et une pareille somme excitait beaucoup ces demoiselles. Marguerite, la meilleure vendeuse après Denise, s'était fait 4 500 francs, 1 500 francs d'appointement fixe et 3 000 francs environ de temps pour cent. Tandis que Clara n'arrivait pas à 2 500 en tout. « Moi, je m'en fiche de leurs augmentations, » reprenait-elle en s'adressant à la petite vendeuse. « Si papa était mort, ce que je les planterais là ?» Mais une chose qui m'exaspère, ce sont les 7 000 francs de ce bout de femme, hein, et vous ?» Madame Aurélie interrompit violemment la conversation. Elle se tourna de son air superbe. « Taisez-vous, mesdemoiselles, on ne s'entend pas, ma parole d'honneur. » Puis elle se mit à crier. « 7 mantes à la vieille, sicilienne, première grandeur à 130. 3 pelisses sur A, deuxième grandeur à 150. Y êtes-vous, mademoiselle Baudu ?»« Oui, madame. » Alors Clara dut s'occuper des brassées de vêtements empilés sur les tables. Elle les bouscula, gagna de la place. Mais bientôt elle les lâcha encore pour répondre à un vendeur qui la cherchait. C'était le grandier Mignot, échappé de son rayon. Il chuchota une demande de 20 francs. Déjà lui en devait 30, un emprunt pratiqué un lendemain de course après avoir perdu sa semaine sur un cheval. Cette fois, il avait mangé à l'avance sa guelte touchée la veille. Il ne lui restait pas 10 sous pour son dimanche. Clara n'avait sur elle que 10 francs, qu'elle prêta d'assez bonne grâce. Et ils causèrent. Ils parlèrent d'une partie à 6, faite par eux dans un restaurant de Bougival, où les femmes avaient payé leur écho. Ça valait mieux, tout le monde était à son aise. Puis Mignot, qui voulait ses 20 francs, alla se pencher à l'oreille de l'homme. Celui-ci, arrêté dans ses écritures, parut saisi d'un grand trouble. Il n'osait refuser, pourtant. Il cherchait une pièce de 10 francs dans son porte-monnaie, lorsque Madame Aurélie, étonnée de ne plus entendre la voix de Marguerite, qui avait dû s'interrompre, aperçut Mignot et comprit. Elle le renvoya rudement à son rayon, elle n'avait pas besoin qu'on vînt distraire ces demoiselles. La vérité était qu'elle redoutait le jeune homme, le grand ami de son fils Albert, le complice de farces louches qu'elle tremblait de voir mal finir un jour. Aussi, lorsque Mignot tint les 10 francs et qu'il se fût sauvé, ne put-elle s'empêcher de dire à son mari « S'il est permis, vous laissez dindonner de la sorte. Mais, ma bonne, je ne pouvais vraiment pas refuser à ce garçon. » Elle lui ferma la bouche d'un haussement de ses fortes épaules. Puis, comme les vendeuses s'égayaient sournoisement de cette explication de famille, elle reprit avec sévérité. « Allons, mademoiselle Badon, ne nous endormons pas. 20 paletots, cachemire double, 4e grandeur, à 18 francs 50, » lança Marguerite de sa voix chantante. L'homme, la tête basse, écrivait de nouveau. Peu à peu, on avait élevé ses appointements à 9 000 francs. Elle gardait son humilité devant Madame Aurélie, qui apportait toujours près du triple dans le ménage. Pendant un instant, la besogne marcha. Les chiffres volaient, les paquets de vêtements pleuvaient de rue sur les tables. Mais Clara avait inventé une autre distraction. Elle taquinait le garçon Joseph, au sujet d'une passion qu'on lui prêtait pour une demoiselle employée à l'échantillonnage. Cette demoiselle, âgée de 28 ans déjà, maigre et pâle, était une protégée de Madame Desforges, qui avait voulu la faire engager par Mouret comme vendeuse, en contant à celui-ci une histoire touchante. Une orpheline, la dernière des Fontenailles, vieille noblesse du Poitou, débarquée sur le pavé de Paris avec un père ivrogne, restée honnête dans cette déchéance, d'une éducation trop rudimentaire malheureusement pour être institutrice ou donner des leçons de piano. Mouret, d'habitude, s'emportait lorsqu'on lui recommandait des filles du monde pauvre. Il n'y avait pas, disait-il, de créature plus incapable, plus insupportable, d'un esprit plus faux. Et d'ailleurs, on ne pouvait s'improviser vendeuse, il fallait un apprentissage, c'était un métier complexe et délicat. Cependant, il prit la protégée de Madame Desforges. Il la mit seulement au service des échantillons, comme il avait déjà casé, pour être agréable à des amis, 2 comtesses et une baronne au service de la publicité, où elle faisait des bandes et des enveloppes. Mademoiselle de Fontenailles gagnait 3 francs par jour, qui lui permettait tout juste de vivre dans une petite chambre de la rue d'Argenteuil. C'était à la rencontrer l'air triste, vêtu pauvrement, que le cœur de Joseph, de tempérament tendre sous sa raideur muette d'ancien soldat, avait fini par être touché. Il n'avouait pas, mais il rougissait, quand ces demoiselles des confections le plaisantaient, car l'échantillonnage se trouvait dans une salle voisine du rayon, il l'avait remarqué rôdant sans cesse devant la porte. « Joseph a des distractions, » murmurait Clara, son nez se tourne vers la lingerie. On avait réquisitionné Mademoiselle de Frontenay, qui aidait à l'inventaire du comptoir des trousseaux, et comme en effet le garçon jetait de continuels coups d'œil vers ce comptoir, les vendeuses se mirent à rire. Il se troubla, s'enfonça dans ses feuilles, tandis que Marguerite, pour étouffer le flot de gaieté qui lui chatouillait la gorge, criait plus fort. « 14 jaquettes, drap anglais, deuxième grandeur à 15 francs !» Du coup, Madame Aurélie, en train d'appeler des rotondes, eut la voix couverte. Elle dit, l'air blessé, avec une lenteur majestueuse, « Un peu plus bas, mademoiselle, nous ne sommes pas à la halle, et vous êtes toutes bien peu raisonnables de vous amuser à des gamineries quand notre temps est si précieux. » Justement, comme Clara ne veillait plus au paquet, une catastrophe se produisit. Des manteaux s'éboulèrent, tous les tas de la table, entraînés, tombèrent les uns sur les autres, le tapis en était jonché. « Là, qu'est-ce que je disais ?» criait la première hors d'elle. « Faites donc un peu attention, mademoiselle Prunaire, c'est insupportable à la fin !» Mais un frémissement courut. Mouret et Bourdoncle, faisant leur tournée d'inspection, venaient de paraître. Les voix repartirent, les plumes grincèrent, tandis que Clara se hâtait de ramasser les vêtements. Le patron n'interrompit pas le travail. Il resta là quelques minutes, muet, souriant, et ses lèvres seules avaient un frisson de fièvre dans son visage gai et victorieux des jours d'inventaire. Lorsqu'il aperçut Denise, il faillit laisser échapper un geste d'étonnement. Elle était donc descendue. Ses yeux rencontrèrent ceux de Madame Aurélie, puis après une courte hésitation, il s'éloigna, il entra au trousseau. Cependant, Denise, avertie par la rumeur légère, avait levé la tête, et après avoir reconnu Mouret, elle s'était de nouveau penchée sur ses feuilles, simplement. Depuis qu'elle écrivait d'une main machinale, au milieu de l'appel régulier des articles, un apaisement se faisait en elle. Toujours elle avait cédé ainsi au premier excès de sa sensibilité. Des larmes la suffoquaient, sa passion doublait ses tourments. Puis, elle rentrait dans sa raison, elle retrouvait un beau courage calme, une force de volonté douce et inexorable. Maintenant, les yeux limpides, le teint pâle, elle était sans un frisson, tout à sa besogne, résolue à s'écraser le cœur et à ne faire que son vouloir. 10 heures sonnèrent. Le vacarme de l'inventaire montait dans le branle-bas des rayons, et sous les cris, jetés sans relâche, qui se croisaient de toutes parts, la même nouvelle circulait avec une rapidité surprenante. Chaque vendeur savait déjà que Mouret avait écrit le matin pour inviter Denise à dîner. L'indiscrétion venait de Pauline. En redescendant, secouant encore, elle avait rencontré Deloche aux dentelles. Et sans remarquer que Liénard parlait au jeune homme, elle s'était sentie soulagée. « C'est fait, mon cher. Elle vient de recevoir la lettre, il l'invite pour ce soir. » Deloche était devenu blême, il avait compris, car il questionnait souvent Pauline. Tous deux causaient chaque jour de leur amie commune, du coup de tendresse de Mouret, de l'invitation fameuse qui finissait par dénouer l'aventure. Du reste, elle le grondait d'aimer secrètement Denise, dont il n'aurait jamais rien, et elle haussait les épaules, quand il approuvait la jeune fille de résister au patron. « Son pied va mieux, elle descend, » continuait-elle. « Ne prenez donc pas cette figure d'enterrement. C'est une chance pour elle, ce qui arrive. » Il se hâta de retourner à son rayon. « Ah bon ?» murmura Liénard, qui avait entendu. « Il s'agit de la demoiselle à l'entorse. Eh bien, vous aviez raison de vous presser, vous, qui la défendiez au café hier soir. » À son tour, il se sauva. Mais quand il rentra au lainage, il avait déjà raconté l'histoire de la lettre à 4 ou 5 vendeurs. Et de là, en moins de 10 minutes, elle venait de faire le tour des magasins. La dernière fois de Liénard rappelait une scène qui s'était passée la veille au café Saint-Roch. Maintenant, Deloche et lui ne se quittaient plus. Le premier avait pris à l'hôtel de Smyrne la chambre de Hutin, lorsque celui-ci, nommé second, s'était loué un petit logement de 3 pièces. Et les deux commis venaient ensemble le matin au bonheur, s'attendaient le soir pour partir ensemble. Leur chambre, qui se touchait, donnait sur la même cour noire, un puits étroit dont les odeurs empoisonnaient l'hôtel. Ils faisaient bon ménage, malgré leur dissemblance, l'un mangeant avec insouciance l'argent qu'il tirait à son père, l'autre sans un sou, torturé par des idées d'économie, ayant pourtant tous deux un point commun, leur maladresse comme vendeur, qui les laissait végéter dans leur comptoir sans augmentation. Après leur sortie du magasin, Il vivait surtout au café Saint-Roch. Vide de clients pendant le jour, ce café s'emplissait vers 8h30 d'un flot débordant d'employés de commerce. Le flot lâchait la rue par la haute porte de la place Gaillon. Dès lors, éclatait un bruit assourdissant de dominos, des rires, des voix glapissantes, au milieu de la fumée épaisse des pipes. La bière et le café coulaient. Dans le coin de gauche, Liénard demandait des choses chères, tandis que Deloche se contentait d'un boc qu'il mettait 4 heures à boire. C'était là que celui-ci avait entendu Favier, à une table voisine, raconter des abominations sur Denise, la façon dont elle avait fait le patron, en se retroussant, quand elle montait un escalier devant lui, était retenu de le gifler. Puis, comme l'autre continuait, disait que la petite descendait chaque nuit retrouver son amant, il l'avait traité de menteur, fou de colère. « Quel sale individu ! Il ment, entendez-vous » Et, dans l'émotion qui le secouait, il lâchait des aveux, la voix bégayante, vidant son cœur. « Je la connais, je le sais bien. Elle n'a jamais eu de l'amitié que pour un homme. Oui, pour M. Hutin, et encore, il ne s'en est pas perçu. Il ne peut même pas se vanter de l'avoir touché du bout des doigts. » Le récit de cette querelle, grossi, dénaturé, égayait déjà le magasin, lorsque l'histoire de la lettre de Mouret circula. Justement, ce fut à un vendeur de la soie que Liénard confia d'abord la nouvelle. Chez les soyeux, l'inventaire fonctionnait rondement. Favier et deux commis, sur des escabeaux, vidaient les casiers, passaient au fur et à mesure les pièces d'étoffe à Hutin, qui, debout au milieu d'une table, criait les chiffres après avoir consulté les étiquettes. Elles jetaient ensuite les pièces par terre, elles encombraient peu à peu le parquet, elles montaient comme une marée d'automne. D'autres employés écrivaient. Albert Lhomme aidait ces messieurs, le teint brouillé par une nuit blanche, passé dans un bastringue de la chapelle. Une nappe de soleil tombait des vitres du hall, qui laissait voir le bleu ardent du ciel. « Tirez donc les stores !» criait Boutemont, très occupé à surveiller la besogne. « Il est insupportable, ce soleil !» Favier, en train de se hausser pour atteindre une pièce, grogna sourdement. « S'il est permis d'enfermer le monde par ce temps superbe, pas de danger qu'il pleuve un jour d'inventaire. Il nous tient sous les verrous comme des galériens, lorsque tout Paris se promène. » Il passa la pièce à Hutin. Sur l'étiquette, le métrage était porté, diminué à chaque vent de la quantité vendue, ce qui simplifiait beaucoup le travail. Le second cria « Soie de fantaisie, petit carreau, 21 mètres à 6,50 $ !» Et la soie alla grossir le tas par terre. Puis, il continua une conversation commencée en disant à Favier « Alors, il a voulu vous battre ?»« Mais oui, je buvais tranquillement mon boc. » Ça valait bien la peine de me démentir. La petite vient de recevoir une lettre du patron qui l'invite à dîner, toute la boîte en cause. Comment ? Ce n'était pas fait ? Favier lui tendait une nouvelle pièce. N'est-ce pas ? On en aurait mis la main au feu. Ça semblait déjà un vieux collage. Idem, 25 mètres, lança Hutin. On entendit le coup sourd de la pièce, tandis qu'il ajoutait, plus bas. Vous savez qu'elle a fait la vie chez ce vieux toquet de Bourras ? Maintenant, tout le rayon s'égayait. Sans que la besogne en fût interrompue pourtant. On se murmurait le nom de la jeune fille, les dos s'enflaient, les nez tournés à la friandise. Boutemont lui-même, que les histoires gaillardes épanouissaient, ne put se tenir de lâcher une plaisanterie dont le mauvais goût le fit éclater d'aise. Albert, réveillé, jura avoir vu la seconde et confection entre deux militaires au gros caillou. Justement, Mignot descendait avec les 20 francs qu'il venait d'emprunter. Et il s'était arrêté, il coulait 10 francs dans la main d'Albert, en lui donnant rendez-vous pour le soir, une noce projetée, entravée par le manque d'argent, possible enfin, malgré la médiocrité de la somme. Mais le beau Mignot, lorsqu'il apprit l'envoi de la lettre, eut une réflexion si grossière que Boutemont se vit forcé d'intervenir. « En voilà assez, messieurs, ça ne nous regarde pas. Allez, allez donc, monsieur Hutin. »« Soie de fantaisie, petit carreau, 32 mètres à 6,50 $, cria ce dernier. Les plumes marchaient de nouveau, les paquets tombaient régulièrement, la mare d'étoffe montait toujours, comme si les eaux d'un fleuve s'y fussent déversées. Et l'appel des soies de fantaisie ne cessait pas. Favier, à demi-voix, fit alors remarquer que le stock serait joli. La direction allait être contente. Cette grosse bête de Boutemont était peut-être le premier acheteur de Paris, mais comme vendeur, on n'avait jamais vu un pareil sabot. Hutin souriait, enchanté, approuvant d'un regard amical. Car, après avoir lui-même introduit jadis Boutemont au bonheur des dames pour en chasser Robineau, il le minait à son tour dans le but obstiné de lui prendre sa place. C'était la même guerre qu'autrefois, des insinuations perfides glissées à l'oreille des chefs, des excès de zèle afin de se faire valoir, toute une campagne menée avec une sournoiserie affable. Cependant Favier, auquel Hutin témoignait une nouvelle condescendance, le regardait en dessous, maigre et froid, la bile au visage, comme s'il eût compté les bouchées dans ce petit homme trapu, ayant l'air d'attendre que le camarade eût mangé Boutemont pour le manger ensuite. Lui espérait avoir la place de second, si l'autre obtenait celle de chef de comptoir. Puis on verrait. Et tous deux, pris de la fièvre qui battait d'un bout à l'autre des magasins, causaient des augmentations probables, sans cesser d'appeler le stock des soins de fantaisie. On prévoyait que Boutemont irait à ses 30 000 francs cette année-là. Hutin dépasserait 10 000. Fabie estimait son fixe et son temps pour cent à 5 500. Chaque saison, les affaires du comptoir augmentaient, les vendeurs y montaient en grade et y doublaient leurs soldes comme des officiers en temps de campagne. « Ah ça, est-ce que ce n'est pas fini, ces petites soies ?» dit brusquement Boutemont, l'air agacé. « Aussi, quel fichu printemps, toujours de l'eau. On n'achetait que des soies noires. » Sa grosse figure rieuse se rembrunissait. Il regardait le tas s'élargir par terre, tandis que Hutin répétait plus haut, d'une voix sonore, où perçait le triomphe. « Soie de fantaisie, petit carreau, 28 mètres, à 6 francs 50. » Il y en avait encore tout un casier. Favier, les bras rompus, y mettait de la lenteur. Comme il donnait pourtant les dernières pièces à Hutin, il reprit à voix basse. « Dites donc, j'oubliais. Vous a-t-on raconté que la seconde des confections a une tocade pour vous ?» Le jeune homme parut très surpris. « Tiens, comment ça ?»« Oui, c'est ce grand serin de Deloche qui nous a fait la confidence. Je me souviens autrefois quand elle vous reluquait. » Depuis qu'il était second, Hutin avait lâché les chanteuses de café-concert et affiché des institutrices. Très flatté au fond, il répondit d'un air de mépris. « Je les aime plus étoffées, mon cher, et puis... « On ne va pas avec tout le monde, comme le patron. » Il s'interrompit, il cria. « Pou de soie blanc, 35 mètres, à 8 francs 75. »« Ah, enfin !» murmura Boutemont, soulagé. Mais une cloche sonnait. C'était la deuxième table, dont Favier faisait partie. Il descendit de l'escabeau, un autre vendeur prit sa place, et il lui fallut enjamber la houle des pièces d'étoffe qui avait encore monté sur les parquets. Maintenant, dans tous les rayons, des écroulements pareils encombraient le sol. Les casiers, les cartons, les armoires se vidaient peu à peu, tandis que les marchandises débordaient de toutes parts, sous les pieds, entre les tables, dans une crue continuelle. Au blanc, on entendait les chutes lourdes des piles de calicot. À la mercerie, c'était un léger cliquetis de boîtes, et des roulements lointains venaient du comptoir des meubles. Toutes les voix donnaient ensemble, des voix aiguës, des voix grasses, les chiffres sifflaient dans l'air, une clameur grésillante battait l'immense nef, la clameur des forêts en janvier lorsque le vent souffle dans les branches. Favier se dégagea enfin et prit l'escalier des réfectoires. Depuis les agrandissements du bonheur des dames, ces derniers se trouvaient au 4e étage dans les bâtiments neufs. Comme il se hâtait, il rattrapa Deloche et Liénard, montés avant lui. Alors il se rabattit sur Mignot qui le suivait. « Diable !» dit-il dans le corridor de la cuisine, devant le tableau noir où le menu était inscrit. « On voit bien que c'est l'inventaire. Fête complète !» Poulet ou émincé de gigot et artichaut à l'huile. Leur gigot va remporter une jolie veste. » Mignot ricanait en murmurant. « Il y a donc une maladie sur la volaille ?» Cependant, Deloche et Liénard avaient pris leur portion, puis s'en étaient allés. Alors, Favier, penché au guichet, dit à voix haute « Poulet !» Mais il dut attendre, un des garçons qui découpait venait de s'en tailler le doigt et cela jetait un trouble. Il restait la face à l'ouverture, regardant la cuisine, d'une installation géante avec son fourneau central, sur lequel de rails fixés au plafond amenaient par un système de poulies et de chaînes les colossales marmites que 4 hommes n'auraient pu soulever. Des cuisiniers, tout blancs dans le rouge sombre de la fonte, surveillaient le pot-au-feu du soir, montés sur des échelles de fer armées d'écumoires au bout de grands bâtons. Puis, c'était, contre le mur, des grilles à faire griller des martyrs, des casseroles à fricasser un mouton, un chauffe-assiette monumental, une vasque de marbre remplie par un continuel filet d'eau, et l'on apercevait encore à gauche une laverie, des éviers de pierres larges comme des piscines, tandis que de l'autre côté, à droite, se trouvait un garde-manger, où l'on entrevoyait des viandes rouges à des crocs d'acier. Une machine à pelurer les pommes de terre fonctionnait avec un tic-tac de moulin. De petites voitures, pleines de salades épluchées, passaient, traînées par des aides, qui allaient les remiser au frais, sous une fontaine. « Poulet !» répéta Favier, pris d'impatience. Puis, se retournant, il ajouta plus bas, « Il y en a un qui s'est coupé. C'est dégoûtant, ça coule dans la nourriture. » Mignot voulut voir. Toute une queue de commis grossissait, il y avait des rires, des poussées. Et maintenant, les deux jeunes gens, la tête au guichet, se communiquaient leurs réflexions devant cette cuisine de phalanstère. Les moindres ustensiles jusqu'au brochet au lardoir devenaient gigantesques. Il y fallait servir 2000 déjeuners et 2000 dîners sans compter que le nombre des employés augmentait de semaine en semaine. C'était un gouffre. On y engloutissait en un jour 16 hectolitres de pommes de terre, 120 livres de beurre, 600 kg de viande. Et à chaque repas, on devait mettre 3 tonneaux en perce, près de 700 litres coulaient sur le comptoir de la buvette. « Ah, enfin !» murmura Favier, lorsque le cuisinier de service reparut avec une bassine où il piqua une cuisse pour la lui donner. « Poulet !» dit Mignon derrière lui. Et tous deux, tenant leurs assiettes, entraient dans le réfectoire, après avoir pris leur part de vin à la buvette. Pendant, derrière leur dos, le mot poulet tombait sans relâche, régulièrement, et qu'on entendait la fourchette du cuisinier piquer les morceaux avec un petit bruit rapide et cadencé. Maintenant, le réfectoire des commis était une immense salle où les 500 couverts de chacune des 3 séries tenaient à l'aise. Ces couverts se trouvaient alignés sur de longues tables d'acajou, placées parallèlement dans le sens de la largeur. Au debout de la salle, des tables pareilles étaient réservées aux inspecteurs et aux chefs de rayon, et il y avait dans le milieu un comptoir pour les suppléments. De grandes fenêtres, à droite et à gauche, éclairaient d'une clarté blanche cette galerie, dont le plafond, malgré ses 4 mètres de hauteur, semblait bas, écrasé par le développement démesuré des autres dimensions. Sur les murs, peints à l'huile d'une teinte jaune clair, les casiers aux serviettes étaient les seuls ornements. À la suite de ce premier réfectoire venait celui des garçons de magasin et des cochers, où les repas étaient servis sans régularité au fur et à mesure des besoins du service. « Comment, vous aussi, Mignot, vous avez une cuisse ?» dit Favier, lorsqu'il se fut assis à une des tables en face de son compagnon. D'autres commis s'installaient autour d'eux. Il n'y avait pas de nappe, les assiettes rendaient un bruit fêlé sur l'acajou, et tous s'exclamaient dans ce coin car le nombre des cuisses était vraiment prodigieux. « Encore des volailles qui n'ont que des pattes ?» fit remarquer Mignot. Ceux qui avaient des morceaux de carcasse se fâchaient. Pourtant, la nourriture s'était beaucoup améliorée depuis les aménagements nouveaux. Mouret ne traitait plus avec un entrepreneur pour une somme fixe. Il dirigeait aussi la cuisine. Il en avait fait un service organisé comme un de ses rayons ayant un chef, des sous-chefs, un inspecteur. Et s'il déboursait davantage, il obtenait plus de travail d'un personnel mieux nourri, calcul d'une humanitairerie pratique qui avait longtemps consterné Bourdoncle. Allons, la mienne est tendre tout de même, reprit Mignot. Passez donc le pain. Le gros pain faisait le tour, et lorsqu'il se fut coupé une tranche le dernier, il replanta le couteau dans la croûte. Des retardataires accouraient à la file, un appétit féroce, doublé par la besogne du matin, soufflait sur les longues tables, d'un bout à l'autre du réfectoire. C'était un cliquetis grandissant de fourchettes, des glouglous de bouteilles qu'on vidait, des chocs de verre reposés trop vivement, le bruit de meules de 500 mâchoires solides, broyant avec énergie, et les paroles, rares encore, s'étouffaient dans les bouches pleines. Deloge, cependant, assis entre Bauger et Liénard, se trouvait presque en face de Favier, à quelques places de distance. Tous deux s'étaient lancés un regard de rancune. Des voisins chuchotaient au courant de leur querelle de la veille. Puis on avait ri de la malchance de Deloge, toujours affamé, et tombant toujours, par une sorte de destinée maudite, sur le plus mauvais morceau de la table. Cette fois, il venait d'apporter un coup de poulet et un débris de carcasse. Silencieux, il laissait plaisanter, il avalait de grosses bouchées de pain, en épluchant le cou avec la raffinie d'un garçon qui aime le respect de la viande. « Pourquoi ne réclamez-vous pas ?» lui dit Bauger. Mais il haussa les épaules. « À quoi bon ? Ça ne tournait jamais bien. Quand il ne se résignait pas, les choses allaient plus mal. « Vous savez que les Bobinards ont leur club maintenant ?» raconta tout d'un coup Mignot. « Parfaitement, le Bobin Club. Ça se passe chez un marchand de vin de la rue Saint-Honoré qui leur loue une salle le samedi. » Il parlait des vendeurs de la mercerie. Alors toute la table s'égaya. Entre deux morceaux, la voix empâtée, chacun lâcha une phrase, ajoutait un détail. Et il n'y avait que les liseurs obstinés qui restaient muets, perdus, le nez enfoncé dans un journal. On en tombait d'accord. Chaque année, les employés de commerce prenaient un meilleur genre. Près de la moitié, à présent, parlaient l'allemand ou l'anglais. Le chic n'était plus d'aller faire du boucan à Bullier, de rouler les cafés-concerts pour y siffler les chanteuses laides. Non, on se réunissait une vingtaine, on fondait un cercle. Est-ce qu'ils ont un piano comme l'étoilier ? Demanda Liénard. « Bobin Club a un piano, je crois bien, » cria Mignot. « Et il joue et il chante. Même il y en a un, le petit Bavou, qui lit des vers. » La gaieté redoubla. On blaguait le petit Bavou. Pourtant, il y avait sous les rires une grande considération. Puis on causa d'une pièce du vaudeville où un calicot jouait un vilain rôle. Plusieurs se fâchaient, pendant que d'autres s'inquiétaient de l'heure à laquelle on les lâcherait le soir, car ils devaient aller en soirée dans des familles bourgeoises. Et de tous les points de la salle immense partaient des conversations semblables au milieu du vacarme croissant de la vaisselle. Pour chasser l'odeur de la nourriture, la buée chaude qui montait des 500 couverts débandés, on avait ouvert les fenêtres, dont les stores baissés étaient brûlants du lourd soleil d'août. Des souffles ardents venaient de la rue, des reflets d'or jaunissaient le plafond, baignaient d'une lumière rousse les convives en nage. « S'il est permis de les enfermer un dimanche par un temps pareil, » répéta Favier. Cette réflexion ramena ces messieurs à l'inventaire. L'année était superbe. Il en vint aux appointements, aux augmentations, l'éternel sujet, la question passionnante qui les secouait tous. Il en était chaque fois de même les jours de volaille. Une surexcitation se déclarait, le bruit finissait par être insupportable. Quand les garçons apportèrent les artichauts à l'huile, on ne s'entendait plus. L'inspecteur de service avait l'ordre d'être tolérant. « À propos, » criait Favier, « vous connaissez l'aventure ?» Mais il eut la voix couverte. Mignot demandait. « Qu'est-ce qui n'aime pas l'artichaut ? Je vends mon dessert contre un artichaut. » Personne ne répondit. Tout le monde aimait l'artichaut. Ce déjeuner-là comptait parmi les bons, car on avait vu des pêches pour le dessert. « Il l'a invité à dîner, mon cher, » disait Favier à son voisin de droite, en achevant ce récit. « Comment ? Vous ne le saviez pas ?» La table entière le savait. On était fatigué d'en causer depuis le matin. Et des plaisanteries, toujours les mêmes, passèrent de bouche en bouche. Deloche frémissait, ses yeux finirent par se fixer sur Favier, qui répétait avec insistance « S'il ne l'a pas eu, il va l'avoir. Et il n'en aura pas l'étrenne, ah non, il n'en aura pas l'étrenne. » Lui aussi regardait Deloche. Il ajouta d'un air provoquant « Ceux qui aiment les eaux peuvent se la payer pour 100 sous. » Brusquement, il baissa la tête. Deloche, cédant à un mouvement irrésistible, venait de lui jeter son dernier verre de vin par la figure en bégayant. « Tiens, sale menteur, j'aurais dû t'arroser hier !» Ce fut un esclandre. Quelques gouttes avaient éclaboussé les voisins de Favier, dont les cheveux seuls se trouvaient mouillés légèrement. Le vin, lancé d'une main trop rude, est allé tomber de l'autre côté de la table. Mais on se fâchait. « Il couchait donc avec, qu'il la défendait ainsi. Quelle brute! Il aurait mérité une paire de gifles pour apprendre à se conduire. » Pourtant les voix baissèrent, on signalait l'approche de l'inspecteur. Et c'était inutile de mettre la direction dans la querelle. Favier se contenta de dire « S'il m'avait attrapé, vous auriez vu qu'elle danse ?» Puis cela finit par des moqueries. Lorsque Deloche, encore tremblant, voulut boire pour cacher son trouble et qu'il saisit d'une main machinale son verre vide, des rires coururent. Il reposa son verre gauchement. Il se mit à sucer les feuilles d'artichaut qu'il avait mangées déjà. « Passez donc la carafe à Deloche, » dit tranquillement Mignot. « Il a soif. » Les rires redoublèrent. Ces messieurs prenaient des assiettes propres aux piles qui se dressaient sur la table, de distance en distance, tandis que les garçons promenaient le dessert, des pêches dans les corbeilles. Et tous se tinrent les côtes lorsque Mignot ajouta « Chacun son goût, Deloche mange la pêche au vin. » Celui-ci restait immobile, la tête basse, comme sourd, il ne semblait pas entendre les plaisanteries. Il éprouvait un regret désespéré de ce qu'il venait de faire. Ces gens avaient raison, à quel titre la défendait-il? On allait croire toutes sortes de vilaines choses. Il se serait battu lui-même de l'avoir ainsi compromise en voulant l'innocenter. C'était sa chance habituelle. Il aurait mieux fait de crever tout de suite, car il ne pouvait même céder à son cœur sans commettre des bêtises. Des larmes lui montaient aux yeux. N'était-ce pas également sa faute si le magasin causait de la lettre écrite par le patron? Il les entendait bien ricaner avec des mots crus sur cette invitation dont Liénard seul avait reçu la confidence. Et il s'accusait. Il n'aurait pas dû laisser parler Pauline devant ce dernier. Il se rendait responsable de l'indiscrétion commise. « Pourquoi avez-vous raconté ça ? » murmura-t-il enfin d'une voix douloureuse. « C'est très mal. »« Moi ? » répondit Liénard. « Mais je ne l'ai dit qu'à une ou deux personnes en exigeant le secret. Est-ce qu'on sait comment les choses se répandent ?» Lorsque Deloche se décida à boire un verre d'eau, toute la table éclata encore. On finissait, les employés renversés sur leurs chaises, attendaient le coup de cloche, s'interpellant de loin dans l'abandon du repas. Au grand comptoir central, on avait demandé peu de suppléments, d'autant plus que ce jour-là, c'était la maison qui payait le café. Les tasses fumaient, les visages en sueur luisaient sous les vapeurs légères, flottantes comme des nuées bleues de cigarettes. Aux fenêtres, les stores tombaient, immobiles, sans abattement. Un d'eux remonta, une nappe de soleil traversa la salle, incendia le plafond. Le brouhaha des voix battait les murs d'un tel bruit que le coup de cloche ne fut d'abord entendu que des tables voisines de la porte. On se leva, la débandade de la sortie emplit longuement les corridors. Cependant, Deloche était resté en arrière, pour échapper au mauvais esprit qui continuait. Beauger sortit même avant lui, et Beauger, d'habitude, quittait la salle le dernier, faisait un détour et rencontrait Pauline, au moment où celle-ci se rendait au réfectoire des dames. C'était une manœuvre arrêtée entre eux, la seule manière de se voir une minute durant les heures de travail, mais ce jour-là, comme ils se baisaient à pleine bouche dans un angle du corridor, Denise, qui montait également déjeuner, les surprit. Elle marchait d'un pas difficile à cause de son pied. « Oh, ma chère !» balbutia Pauline, très rouge. « Ne dites rien, n'est-ce pas ?» Bouger avec ses gros membres, sa carrure de géant, tremblait ainsi qu'un petit garçon. Il murmura. « C'est qu'ils nous flanqueraient très bien dehors. Notre mariage a beau être annoncé, ils ne comprennent pas qu'on s'embrasse ces animaux-là. » Denise, toute remuée, affecta de ne pas les avoir vus, et Bouger se sauvait lorsque Deloche, qui prenait le plus long, parut à son tour. Il voulut s'excuser. Il balbutia des phrases que Denise ne saisit pas d'abord. Puis, comme il reprocha Pauline d'avoir parlé devant Liénard et que celle-ci demeurait embarrassée, la jeune fille eut enfin l'explication des mots qu'on chuchotait derrière elle depuis le matin. C'était l'histoire de la lettre qui circulait. Elle fut reprise du frisson dont cette lettre l'avait secouée. Elle se voyait déshabillée par tous ces hommes. « Moi, je ne savais pas, » répétait Pauline. « D'ailleurs, il n'y a rien là-dedans de vilain. On laisse causer, ils ragent tous, pardi. » « Ma chère, » dit en fait Denise de son air raisonnable, « je ne vous en veux point. Vous n'avez raconté que la vérité. J'ai reçu une lettre, c'est à moi d'y répondre. » Deloche s'en alla, navré, ayant compris que la jeune fille acceptait la situation et qu'elle irait, le soir, au rendez-vous. Quand les deux vendeuses eurent déjeuné, dans une petite salle voisine de la grande, et où les femmes étaient servies plus confortablement, Pauline dut aider Denise à descendre, car le pied de celle-ci se fatiguait. En bas, dans l'échauffement de l'après-midi, l'inventaire ronflait davantage. L'heure était venue du coup de collier, lorsque devant la besogne peu avancée du matin, toutes les forces tendaient pour avoir fini le soir. Les voix se haussaient encore, on ne voyait que la gesticulation des bras, vidant toujours les cases, jetant les marchandises, et on ne pouvait plus marcher. La crue des piles et des ballots sur les parquets montait à la hauteur des comptoirs. Une houle de têtes, de poings brandis, de membres volants semblait se perdre au fond des rayons dans un lointain confus d'émeutes. C'était la fièvre dernière du branle-bas, la machine près de sauter. Tandis que le long des glaces en tin, autour du magasin fermé, continuaient à passer de rares promeneurs, blêmes de l'ennui étouffant du dimanche. Sur le trottoir de la rue Neuve Saint-Augustin, trois grandes filles en cheveux, l'air souillon, s'étaient plantées, collant effrontément leur visage aux glaces, tâchant de voir la drôle de cuisine qu'on bâclait là-dedans. Lorsque Denise rentra aux confections, Madame Aurélie laissa Marguerite achever l'appel des vêtements. Il restait à faire un travail de contrôle, pour lequel, désireuse de silence, elle se retira dans la salle de l'échantillonnage en emmenant la jeune fille. « Venez avec moi, nous collationnerons, puis vous additionnerez. » Mais comme elle voulut laisser la porte ouverte afin de surveiller ces demoiselles, le vacarme entrait, on ne s'entendait guère plus au fond de cette salle. C'était une vaste pièce carrée, garnie seulement de chaises et de trois longues tables. Dans un coin, étaient les grands couteaux mécaniques pour couper les échantillons. Les pièces entières y passaient, on expédiait par an plus de 60 000 francs d'étoffe, ainsi déchiquetés en lanières. Du matin au soir, les couteaux hachaient la soie, la laine, la toile, avec un bruit de faux. Ensuite, il fallait assembler les cahiers, les coller ou les coudre. Il y avait encore, entre les deux fenêtres, une petite imprimerie pour les étiquettes. « Plus bas donc !» criait de temps à autre Madame Aurélie, qui n'entendait pas Denise lire les articles. Quand la collation des premières listes fut terminée, elle laissa la jeune fille devant une des tables, plongée dans les additions. Puis elle reparut presque tout de suite. Elle installa Mademoiselle de Fontenaille, dont les trousseaux n'avaient plus besoin et qu'ils lui passaient. Cette dernière additionnerait aussi, on gagnerait du temps. Mais l'apparition de la marquise, comme la nommait Clara méchamment, avait remué le rayon. On riait, on plaisantait Joseph, des mots féroces arrivaient par la porte. « Ne vous reculez pas, vous ne me gênez aucunement, » dit Denise, saisie d'une grande pitié. « Venez, mon encrier suffira, vous prendrez de l'encre avec moi. » Mademoiselle de Fontenaille, dans l'hébétement de sa déchéance, ne trouva pas même un mot de gratitude. Elle devait boire, sa maigreur avait des teintes plombées, et ses mains seules, blanches et fines, disaient encore la distinction de sa race. Cependant, les rires tombèrent tout d'un coup, on entendit la besogne reprendre son ronflement régulier. C'était Mouret qui faisait de nouveau le tour des rayons, mais il s'arrêta, il chercha Denise, surpris de ne pas la voir. D'un signe, il avait appelé Madame Aurélie, et tous deux s'écartèrent, parlèrent bas un instant. Il devait l'interroger. Elle désigna des yeux la salle de l'échantillonnage, puis sembla rendre des comptes. Sans doute elle rapportait que la jeune fille avait pleuré le matin. « Parfait, » dit tout au Mouret en se rapprochant. « Montrez-moi les listes. »« Par ici, monsieur, » répondit la première. « Nous sommes sauvés du tapage. » Il la suivit dans la pièce voisine. Clara ne fut pas dupe de la manœuvre. et elle murmura qu'on ferait mieux d'aller chercher un lit tout de suite. Mais Marguerite lui jetait les vêtements d'une main plus vive pour l'occuper et lui fermer la bouche. Est-ce que la seconde n'était pas une bonne camarade? Ses affaires ne regardaient personne. Le rayon devenait complice, les vendeuses s'agitaient davantage, les dos de l'homme et de Joseph se renflaient, comme sourds. Et l'inspecteur Jouve, ayant remarqué de loin la tactique de Madame Aurélie, vint marcher devant la porte de l'échantillonnage du pas régulier d'un factionnaire qui garde le bon plaisir d'un supérieur. « Donnez les listes à monsieur, » dit la première en entrant. Denise les donna, puis resta les yeux levés. Elle avait eu un léger sursaut, mais elle s'était domptée et elle gardait un beau calme, les joues pâles. Un instant, Mouret parut s'absorber dans l'énumération des articles sans un regard pour la jeune fille. Le silence régnait. Alors, Madame Aurélie, s'étant approchée de Mademoiselle de Fontenailles, qui n'avait pas même tourné la tête, parut mécontente de ses additions et lui dit à demi-voix « Allez donc aider au paquet, vous n'avez pas l'habitude des chiffres. » Celle-ci se leva, retourna au rayon où des chuchotements l'accueillirent. Joseph, sous les yeux rieurs de ces demoiselles, écrivait de travers. Clara, enchantée de cette aide qui lui arrivait, la bousculait pourtant dans la haine qu'elle avait de toutes les femmes au magasin. Il était si idiot de tomber à l'amour d'un homme de peine quand on était marquise, et elle lui jalousait cet amour. « très bien, » répétait Mouret en affectant toujours de lire. Cependant, Madame Aurélie ne savait comment sortir à son tour d'une façon décente. Elle piétinait, allait regarder les couteaux mécaniques, furieuse que son mari n'inventait pas une histoire pour l'appeler. Mais il n'était jamais aux affaires sérieuses. Il serait mort de soif à côté d'une mare. Ce fut Marguerite qui eut l'intelligence de demander un renseignement. « J'y vais, » répondit la première. Et sa dignité désormais à couvert, ayant un prétexte aux yeux de ces demoiselles qui la guettaient, elle laissa enfin seule Mouret et Denise qu'elle venait de rapprocher. Elle sortit d'un pas majestueux, le profil si noble, que les vendeuses n'osèrent même pas se permettre un sourire. Lentement, Mouret avait reposé les listes sur la table. Il regardait la jeune fille qui était restée assise, la plume à la main. Elle ne détournait pas les regards, elle avait seulement pâli davantage. « Vous viendrez ce soir ? » demanda-t-il à demi-voix. « Non, monsieur, » répondit-elle. « Je ne pourrai pas. Mes frères doivent se trouver chez mon oncle et j'ai promis de dîner avec eux. Mais votre pied, vous marchez trop difficilement. Oh, j'irai bien jusque-là, je me sens beaucoup mieux depuis ce matin. » À son tour, il était devenu pâle devant ce refus tranquille. Une révolte nerveuse agitait ses lèvres. Pourtant, il se contenait. Il reprit de son air de patron obligeant qui s'intéresse simplement à une de ces demoiselles. « Voyons, si je vous priais, vous savez dans quelle estime je vous tiens. » Denise garda son attitude respectueuse. « Je suis très touché, monsieur, de votre bonté pour moi, et je vous remercie de cette invitation, mais je le répète, c'est impossible. Mes frères m'attendent ce soir. » Elle s'entêtait à ne pas comprendre. La porte demeurait ouverte. Il sentait bien cependant le magasin entier qui la poussait. Pauline l'avait traitée amicalement de grande sotte. Les autres se moqueraient d'elle si elle refusait l'invitation. Madame Aurélie, qui s'en était allée, Marguerite, dont elle entendait monter la voix, le dos de l'homme qu'elle apercevait immobile et discret, tous voulaient sa chute, tous la jeter au maître. Et le ronflement lointain de l'inventaire, ses millions de marchandises, criaient la volée, remuaient à bout de bras, était comme un vent chaud qui soufflait la passion jusqu'à elle. Il y eut un silence. Par moments, le bruit couvrait les paroles de Mouret, qui l'accompagnait du vacarme formidable d'une fortune de roi gagnée dans les batailles. « Alors, quand viendrez-vous » demanda-t-il de nouveau. « Demain ?» Cette simple question troubla Denise. Elle perdit un instant son calme. Elle balbutia. « Je ne sais pas, je ne puis pas. » Il sourit. Il essaya de lui prendre une main qu'elle retira. « De quoi donc avez-vous peur ?» Mais elle relevait déjà la tête. Elle le regardait en face, elle dit, en souriant de son air doux et brave, « Je n'ai peur de rien, monsieur. On fait seulement ce qu'on veut faire, n'est-ce pas? Moi, je ne veux pas, voilà tout. » Comme elle se taisait, un craquement la surprit. Elle se retourna et vit la porte se fermer avec lenteur. C'était l'inspecteur Jouve qui prenait sur lui de la tirer. Les portes rentraient dans son service, aucune ne devait rester ouverte. Il se remit à remonter gravement sa faction. Personne ne parut s'apercevoir de cette porte fermée d'un air si simple. Clara seule lâcha un mot cru à l'oreille de Mademoiselle de Fontenailles, qui demeura blême, le visage mort. Denise, cependant, s'est élevée. Mouret lui disait d'une voix basse et tremblante. « Écoutez, je vous aime. Vous le savez depuis longtemps. Ne jouez pas le jeu cruel de faire l'ignorante avec moi, et ne craignez rien. 20 fois, j'ai eu l'envie de vous appeler dans mon cabinet. Nous aurions été seuls. Je n'aurais eu qu'à pousser un verrou, mais je n'ai pas voulu. Vous voyez bien que je vous parle ici où chacun peut entrer. Je vous aime, Denise. » Elle était debout, la face blanche, l'écoutant, le regardant toujours en face. « Dites, Pourquoi refusez-vous? N'avez-vous donc pas de besoin? Vos frères sont une lourde charge. Tout ce que vous me demanderiez, tout ce que vous exigeriez de moi. » D'un mot, elle l'arrêta. « Merci, je gagne maintenant plus qu'il ne me faut. Mais c'est la liberté que je vous offre. C'est une existence de plaisir et de luxe. Je vous mettrai chez vous, je vous assurerai une petite fortune. Non, merci, je m'ennuierai à ne rien faire. Je n'avais pas 10 ans que je gagnais ma vie. » Il eut un geste fou. C'était la première qui ne cédait pas. Il n'avait eu qu'à se baisser pour prendre les autres. Toutes attendaient son caprice en servante soumise. Et celle-ci disait non, sans même donner un prétexte raisonnable. Son désir, contenu depuis longtemps, fouetté par la résistance, s'exaspérait. Peut-être n'offrait-il pas assez? Et il doubla ses offres et la pressa davantage. « Non, non, merci, » répondait-elle chaque fois, sans une défaillance. Alors il laissa échapper ce cri de son cœur. « Vous ne voyez donc pas que je souffre? Oui, cet imbécile, je souffre comme un enfant. » Des larmes mouillèrent ses yeux. Un nouveau silence régna. On entendit encore, derrière la porte close, le ronflement adouci de l'inventaire. C'était comme un bruit mourant de triomphe. L'accompagnement se faisait discret dans cette défaite du maître. « Si je voulais pourtant, » dit-il d'une voix ardente, en lui saisissant les mains. Elle les lui laissa, ses yeux pâlirent, toute sa force en allait. Une chaleur lui venait des mains tièdes de cet homme, l'emplissait d'une lâcheté délicieuse. Mon Dieu, comme elle l'aimait! Et quelle douceur elle aurait goûté à se pendre à son cou pour rester sur sa poitrine. « je veux, » répétait-il affolé, « je vous attends ce soir, ou je prendrai des mesures. » Il devenait brutal. Elle poussa un léger cri. La douleur qu'elle ressentait au poignet lui rendit son courage. D'une secousse, elle se dégagea, puis toute droite, l'air grandi dans sa faiblesse. « Non, laissez-moi, je ne suis pas une Clara qu'on lâche le lendemain. Et puis, monsieur, vous aimez une personne. Oui, cette dame qui vient ici, restez avec elle, moi je ne partage pas. » La surprise le tenait immobile. Que disait-elle donc? Et que voulait-elle? Jamais les filles ramassées par lui dans les rayons ne s'étaient inquiétées d'être aimées. Il aurait dû en rire, et cette attitude de fierté tendre achevait de lui bouleverser le cœur. « Monsieur, » reprit-elle, « rouvrez cette porte. Ce n'est pas convenable d'être ainsi ensemble. » Mouret obéit, et étant bourdonnante, ne sachant comment cacher son angoisse, il rappela Madame Aurélie, s'emporta contre le stock des rotondes, dit qu'il faudrait baisser les prix, et les baisser tant qu'il en resterait une. C'était la règle de la maison, on balayait tout chaque année, on vendait à 60% de perte, plutôt que de garder un modèle ancien ou une étoffe défraîchie. Justement, Bourdoncle, à la recherche du directeur, l'attendait depuis un instant, arrêté devant la porte close par Jouve, qui lui avait glissé un mot à l'oreille d'un air grave. Il s'impatientait, sans trouver cependant la hardiesse de déranger le tête-à-tête. Était-ce possible, un jour pareil, avec cette chétive créature? Et lorsque la porte se rouvrit enfin, Bourdoncle parla des soies de fantaisie, dont le stock allait être énorme. Ce fut un soulagement pour Mouret, qui put crier à l'aise. À quoi songeait Boutemont? Il s'éloigna, en déclarant qu'il n'admettait pas qu'un acheteur manquât de flair, jusqu'à commettre la bêtise de s'approvisionner au-delà des besoins de la vente. « Qu'a-t-il ? » murmura Madame Aurélie, toute remuée par les reproches. Et ces demoiselles se regardèrent avec surprise. À 6 heures, l'inventaire était terminé. Le soleil luisait encore, un blond soleil d'été dont le reflet d'or tombait par les vitrages des halls. Dans l'air alourdi des rues, déjà des familles se revenaient de la banlieue, chargées de bouquets et traînant des enfants. Un à un, les rayons avaient fait silence. On n'entendait plus, au fond des galeries, que les appels attardés de quelques commis vidant une dernière case. Puis ces voix elles-mêmes se turent. Il ne resta du vacarme de la journée qu'un grand frisson au-dessus de la débâcle formidable des marchandises. Maintenant, les casiers, les armoires, les cartons, les boîtes se trouvaient vides. Pas un mètre d'étoffe, pas un objet quelconque n'était demeuré à sa place. Les vastes magasins n'offraient que la carcasse de leur aménagement, les menuiseries absolument nettes comme au jour de l'installation. Cette nullité était la preuve visible du relais complet et exact de l'inventaire. Et à terre, s'entassaient 16 millions de marchandises, une mer montante qui avait fini par submerger les tables et les comptoirs. Les commis, noyés jusqu'aux épaules, commençaient à replacer chaque article. On espérait avoir terminé vers 10 heures. Comme Madame Aurélie, qui était de la première table, descendait du réfectoire, elle rapporta le chiffre d'affaires réalisé dans l'année, un chiffre que les additions des divers rayons donnaient à l'instant. Le total était de 80 millions, 10 millions de plus que l'année précédente. Il n'y avait eu une baisse réelle que sur les soies de fantaisie. « Si M. Mouret n'est pas content, je ne sais pas ce qu'il lui faut, » ajouta la première. « Tenez, il est là-bas, en haut du grand escalier, l'air furieux. » Ces demoiselles allèrent le voir. Il était seul, debout, le visage sombre, au-dessus des millions écroulés à ses pieds. « Madame, » m'a demandé à ce moment Denise, « seriez-vous assez bonne pour me permettre de me retirer? Je ne sers plus à rien à cause de ma jambe et, comme je dois dîner chez mon oncle avec mes frères... » Ce fut un étonnement. Elle n'avait donc pas cédé. Madame Aurélie hésita, parut sur le point de lui défendre de sortir, la voix brève et mécontente. Pendant que Clara haussait les épaules, pleine d'incrédulité, « Laissez donc !» C'était bien simple, il ne voulait plus d'elle. Coprolina apprit ce dénouement et se trouvait devant les layettes avec deux loges. La joie brusque du jeune homme la mit en colère. Ça l'avançait à grand-chose, n'est-ce pas? Il était peut-être heureux que son ami fût assez sotte pour manquer sa fortune. Et Bourdoncle, qui n'osait aller déranger Mouret, dans son isolement farouche, se promenait au milieu des bruits, désolé lui-même, saisi d'inquiétude. Cependant, Denise descendit. Comme elle arrivait au bas du petit escalier de gauche, doucement, en s'appuyant à la rampe, elle tomba sur un groupe de vendeurs qui ricanaient. Son nom fut prononcé, elle sentit qu'on parlait encore de son aventure, on ne l'avait pas aperçu. « Allons donc, des manières, » disait Favier. « C'est pétri de vices. Oui, je connais quelqu'un qu'elle a voulu prendre de force. » Et il regardait Hutin, qui, pour conserver sa dignité de second, se tenait à quatre pas, sans se mêler aux plaisanteries. Mais il fut si flatté de l'air d'envie dont les autres le considéraient qu'il daigna murmurer. « Ce qu'elle m'a embêté, celle-là !» Denise, frappée au cœur, se retint la rampe. On dut la voir. Tous se dispersèrent avec des rires. Il avait raison. Elle s'accusait de ses ignorances d'autrefois, quand elle songeait à lui. Mais comme il était lâche, et comme elle le méprisait maintenant, un grand trouble l'avait saisi. N'était-ce pas étrange qu'elle eût trouvé tout à l'heure la force de repousser un homme adoré, lorsqu'elle se sentait si faible, jadis, devant ce misérable garçon dont elle rêvait seulement l'amour. Sa raison et sa vaillance sombraient dans ces contradictions de son être, où elle cessait de lire clairement. Elle se hâta de traverser le hall. Puis un instinct lui fit lever la tête pendant qu'un inspecteur ouvrait la porte, fermée depuis le matin. Et elle aperçut Mouret. Il était toujours en haut de l'escalier, sur le grand palier central, dominant la galerie. Mais il avait oublié l'inventaire. Il ne voyait pas son empire, ses magasins crevant de richesses. Tout avait disparu, les victoires bruyantes d'hier, la fortune colossale de demain. D'un regard désespéré, il suivait Denise, et quand elle eut passé la porte, il n'eut plus rien, la maison devint noire.